Donc, Cédric Spagnoli a en quelque sorte fait la transition, puisque là, on va parler du jeune Maurice qui est adolescent pendant la Première Guerre mondiale, avec Benoît Bruand de l'Université de Haute-Alsace. Donc, je vais vous parler du rapport civil et combattant à partir d'une monosource, une monosource sincère, donc qui correspond à tout ce que l'on connaît de ce que l'on peut qualifier comme le bon témoin, mais en même temps forcément subjective. L'intérêt, c'est l'âge de 15 à 19 ans, un âge proche des soldats, on verra pourquoi. C'est, nous sommes en territoire allemand, donc quand les Français arriveront, Joffre lui-même utilise le mot juridiquement tout à fait juste, il s'agit d'une occupation française, elle n'est pas forcément perçue comme ça, mais juridiquement c'est une occupation. L'intérêt, c'est aussi la topographie, qui est très particulière, c'est une vallée étroite, qui fait que, à la fois pour combattre et à la fois pour stationner, civils et militaires sont physiquement mélangés de fait. Quatrième point, le récit, à ce site particulier, l'auteur est quelquefois un peu ennuyeux tellement il est sérieux, c'est un récit qui recherche une explication. Et c'est très intéressant d'avoir un jeune homme qui, face à quelque chose qui est très, très problématique dans sa vie, on verra pourquoi, cherche à expliquer, comprendre. Alors donc, il y a suffisamment de journaux similaires publiés un peu partout en local pour qu'on puisse faire quelque part des allers-retours, des comparaisons et essayer de dégager finalement ce fameux sentiment. Donc c'est un assemblage de récits parentaux, forcément le cercle géographique d'un adolescent est limité. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on peut encore se promener en vélo en août 14 au milieu des belligérants. Il mélange des récits donc parentaux, des informations lues, des rumeurs, et ce qui est très particulier justement topographiquement, c'est des faits observés, des faits vécus. Pour aller plus loin. Ah, très bien. Donc la guerre, c'est un journal qui commence en 1911, qui se termine en 1930. Et qui adopte tout au fil plusieurs styles littéraires, et le journal de guerre est un moment simplement du journal. Et on voit, comme dans beaucoup de journaux, que la guerre arrive le 26-27 et qu'elle tombe dans les vacances par un adolescent qui n'en était pas informé. Et elle monte du rez-de-chaussée de sa maison, puisque son père dirige une agence bancaire et qu'il est obligé un dimanche de rester parce que tout le monde s'inquiète. Et tout commence à se figer, et en l'espace d'une semaine, l'ensemble de son univers va complètement basculer. Alors, ce qu'on peut préciser, c'est que le journal est en français, qu'on parle français à la maison, qu'on est dans une culture double, il est donc parfaitement bilingue, il mène des études en Allemagne jusqu'au l'équivalent du collège et part ensuite pour la fin du collège et le début du lycée à Nancy. Donc au début, c'est un français un petit peu approximatif et au cours de la guerre, suite à ses études, un français qui se parfait progressivement. On a au niveau social une société de la petite bourgeoisie urbaine, boutiquière, liée en partie à l'industrie. Le site, donc cette vallée très étroite, la ville qui le ferme, les Français qui arrivent depuis le col et qui vont se retrouver coincés. La maison à être où il habite et qui va servir de poste d'observation, de la fenêtre de sa chambre ou de la chambre de bonne à l'étage, donne la vue assez loin, et vous avez sur la droite une colline très particulière, qui est une colline qui sert au loisir des urbains, qui est un point de vue. Et on verra l'importance de ce point de vue. On se trouve entre deux zones de combat successives, qui sont liées l'une à l'autre en réalité, celle de la bataille de Cernay, la côte 425, les Français cherchant à rentrer dans la plaine et n'y arrivant pas, et cherchant à dégager un périmètre autour des territoires alsaciens acquis, le combat se déplaçant un petit peu plus tard sur les territoires en altitude à pratiquement 1000 mètres au Hartmannswillerkopf. Et donc la population va rester coincée dans cette petite zone. Au début de la guerre, les civils sont mis dans une position extrêmement inconfortable et quand on essaye de mettre un petit peu à plat, c'est très intéressant parce que ce fameux entre-deux alsacien dont on parle souvent, il existe carrément physiquement. C'est-à-dire que l'armée allemande, en vertu des principes géostratégiques du glacis, a décidé d'attendre les Français dans la plaine, donc en plein milieu des villes et des populations civiles allemandes. C'est son choix. Et donc, les réservistes partent de l'autre côté du Rhin. La ville se siphonne. Il voit de sa chambre les trains qui partent. C'est triste. Tout le monde fait la gueule, on dirait aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ces départs joyeux que l'on cite si souvent. c'est donc le retrait des troupes de la frontière, les troupes stationnées s'en vont, le départ de l'administration et tous les fonctionnaires qui s'en vont aussi, et c'est la destruction de tous les moyens de communication, téléphone, chemin de fer, plus de presse, plus rien, donc un vide. Et dans ce vide, les Français ne tardent pas à arriver, et les Français aussi font du nettoyage en quelque sorte, c'est l'arrestation de tous les hommes potentiellement loyaux, dénoncés ou pas, suivis un petit peu plus tard par leurs épouses, c'est la déportation un tout petit peu plus tard lorsque l'Allemagne appelle au Landsturm de tous les hommes entre 17 et 44 ans qui sont déportés en France dans les premiers camps de concentration. Certains vont y rester une bonne partie de la guerre. Et puis enfin, c'est, mais très tardivement, l'évacuation des populations de tous les villages qui sont en bordure de front. On a donc une population qui a été triée, qui se trouve dans une espèce de vide très longtemps, pendant plus d'un mois, sans personne à qui s'adresser. Les Français procèdent à des réquisitions, les Allemands ont procédé à des réquisitions, et ni les Allemands ni les Français ne se sont jamais préoccupés de savoir, quand ils étaient au milieu des civils, finalement comment on fait. Donc les civils sont totalement livrés à eux-mêmes pendant plus d'un mois, avant que quiconque ne prenne la moindre mesure. Et ils sont au milieu des combats. Juste quelques images des évacuations tardives qui sont mises en place par les Français. Ce qui est intéressant dans le journal, c'est que finalement, on a un tout jeune adolescent, et puis ce que nous connaissons bien, c'est-à-dire cette vision assez livresque de la guerre qu'ont finalement fait jusqu'au grade très supérieur les militaires également. Il se trouve que Maurice a une vision des militaires qui est d'abord celle de ceux de sa famille, qui sont très proches de son âge, qui sont des copains de jeu, que sont ses cousins, qui, eux, sont intégrés dans l'armée française en 1912 comme simples soldats. Et on sait que la même année, ce qu'il questionne, d'après son journal, il emprunte cet ouvrage, que j'imagine un certain nombre d'entre vous connaissent, qui comprend quasiment toute l'illustration d'Alphonse de Neuville, Édouard de Taille et tous les autres, qui donne cette vision complètement onirique de la guerre de 70. Donc on a ici l'ouvrage qui atteste en quelque sorte de sa vision un peu décalée du conflit. Vision qu'on retrouve à travers le champ sémantique qu'il emploie. Il parle de boulets, il parle de choses comme ça, qui font qu'il est au départ du conflit avec en quelque sorte le prisme du regard qui est celui de ses cousins. Donc une forme, comme tous les jeunes de son âge, on le voit dans d'autres journaux, une forme d'empathie avec les soldats, peu importe le camp finalement, d'empathie parce qu'ils sont proches de son âge et lui pourrait l'être bientôt. On le retrouve dans d'autres journaux aussi, une empathie plus particulière puisque ses cousins sont sous les armes. L'un d'entre eux va passer pas très loin, il ne pourra pas le voir dans les chasseurs à pied. Ça déclenche une espèce de volonté d'aller vers, et puis aussi une forme assez compassionnelle liée à son âge. Le tout début de la guerre, finalement, confirme un petit peu cette vision un peu littéraire. On voit arriver les premiers fantassins, on marche encore au pas en rang. Donc ça correspond assez bien à toute l'imagerie de la guerre de 70, c'est assez conforme. Ça déclenche forcément un mécanisme d'adhésion, de sentiment, de moment historique, lié en partie au fait qu'il est de culture plutôt francophone. Je ne vais pas utiliser le terme francophile qui, pour moi, est une stigmate plutôt germanique que la réalité des faits. Donc, il est allemand, il n'est pas question qu'il redevienne français, tel est son sentiment. Donc, vous avez ici ce qui se passe, c'est tout simplement un raccord qui va se faire assez violent en quelques semaines entre cette image littéraire et la réalité des faits, que la réalité des combats, sa maison est au bord de la seule route qui conduit vers le front, et donc forcément, les combattants passent et repassent dans les deux sens. Quand ils repassent dans un sens, aller, leur tenue est propre, et quand ils reviennent dans l'autre sens, ils sont moins nombreux et ils sont souvent éclopés, voire parfois extrêmement amochés, et on observe tout ça. Et donc, en l'espace de quelques semaines, le regard change complètement, on bascule vers un univers assez anxiogène, assez compliqué à gérer pour sa famille, pour lui. La guerre prend une toute autre figure, et on peut dire qu'en l'espace de 15 jours, il fait à peu près, à sa façon, en tant que civil, le même trajet que feraient finalement, et qu'on connaît, hein, des combattants au front, qui arrivent eux aussi avec ces images un petit peu littéraires, un petit peu journalistiques quelquefois du combat, et se retrouvent dans une réalité désordonnée, sans repère, et extrêmement anxiogène. Donc le civil, finalement, là en l'occurrence, il fait un trajet dans son regard sur la guerre relativement équivalent au combattant. Et on va voir qu'il le fait en réalité en lien avec le combattant, et c'est ça qui est intéressant. La guerre, c'est aussi, en 14. C'est très étonnant quand on voit ça dans le journal, parfois un peu ingénu, d'un adolescent qu'on peut comparer avec des journaux d'adultes qui, avec un autre angle, donnent un petit peu la même vision. C'est un spectacle extrêmement fascinant. On a un petit peu peur, hein, un petit peu comme dans les attractions de foire, mais c'est une peur dont on ne mesure pas la vraie réalité. Et donc, il y a un contact assez spontané. On va voir les places d'artillerie qui sont, du fait de la conformation de la vallée, quasiment au milieu des habitations ou très, très proches. Hein. On interroge les soldats quand on connaît le français, ou alors on se contente de regarder et on apprend ce que c'est un calibre, on apprend ce que c'est un obusier de 105, on apprend ce que c'est un canon de 75. Et on voit le fonctionnement technique, et ce qui est assez intéressant dans beaucoup de journaux, celui de Maurice notamment, il y a une expression qui revient très souvent chez les jeunes, c'est très intéressant. Donc la guerre est quelque chose de très très très intéressant. Deuxième élément, c'est un spectacle, c'est encore la guerre de mouvement, on se rend sur cette colline avec ce point de vue, qui est la colline du Staufen, où on peut observer, puisqu'on est en été, les mouvements allemands et les mouvements français, tout près de l'artillerie. Et vous avez ici à l'écran un plan que Maurice fait. On est tout proche, là encore, un petit peu de la vision livresque de la guerre avec ses mouvements. Simplement, le problème des civils, c'est qu'ils vont découvrir très vite qu'en se plaçant à côté de lieux où on tire, de lieux où il y a des mouvements militaires, quand il y a un tir de batterie, il y a forcément un tir de contre-batterie à un moment ou à un autre, et on se fait tirer dessus, et ça déclenche des mouvements de panique qui ont été bien décrits par un certain nombre de journaux. Donc il y a ce moment assez intéressant qui est, on est dans un entre-deux, l'armée allemande est partie, l'armée française arrive, mais ce n'est pas l'armée du pays où on habite, et on est dans cet entre-deux, tout s'est arrêté, c'est les vacances, c'est un spectacle, et c'est comme ça qu'on le voit, mais un spectacle qui ne va pas tarder à tourner un petit peu au vinaigre, comme on dit. Donc, comme vous le savez, les Français sont un petit peu bloqués pour tout un tas de raisons. La population va se retrouver dans un processus de bombardement réciproque, puisque l'artillerie française ne peut pas faire autrement que d'être stationné sur les hauteurs qui sont tout proches de la ville, voire presque carrément en ville. Les tirs allemands atterrissent donc dans la ville, et la ville va être particulièrement touchée. Et donc, pendant plus d'un mois, entre fin août et pratiquement fin janvier 1915, la population vit sous les bombardements. Et les pages du journal font franchement penser au journal de Zlata à Sarajevo, c'est-à-dire il faut se réfugier, on ne sait pas quand, dans les caves, rien n'est prévu, pas d'abri, rien du tout, pas de processus d'alerte. Et donc, il faut aux civils, pour comprendre comment ils vivent, apprendre la guerre, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un tir de 75, quel bruit ça fait, où ça va, où c'est situé, et quand on tire, quand l'artillerie allemande va répondre. Et le problème des citoyens qui sont coincés entre les deux, c'est que l'artillerie allemande, finalement, elle tire sur ses propres ressortissants. Et à vivre, c'est compliqué. On se fait tirer dessus, on passe par son propre camp, parce que les choses sont un petit peu plus compliquées, mais on se fait tirer dessus par ses propres nationaux. Et il est extrêmement difficile, et on le voit dans les pages du journal, pour un adolescent, de comprendre ce que c'est qu'une contrainte militaire où on localise une artillerie parce qu'on ne peut pas faire autrement en plein milieu d'une ville, et l'obligation pour l'adversaire de répondre pour neutraliser cette artillerie en faisant des dommages collatéraux sur les civils dont il n'a pas été prévu qu'ils soient évacués. Et il est extrêmement important de comprendre ça dans le sens où, au départ, on n'est pas dans un camp. Et on va le devenir puisque finalement, on est une cible. Une cible qui doit apprendre à se protéger et qui ne comprend pas pourquoi on lui tire dessus. On est donc dans une épreuve assez particulière. C'est une rencontre du journal que je n'avais pas prévue finalement. Donc, dans une famille de culture française, francophone. En réalité, la question n'est pas de savoir si on se sent allemand ou pas, on l'est, juridiquement. C'est une situation de fait. Et on le retrouve formulé dans le journal de Maurice, de façon assez douce, on pourrait dire ça comme ça. Les combats font en 14 qu'il y a des allers-retours offensifs. Donc les Français arrivent, repartent, les Allemands arrivent, repartent, les Français reviennent. Et dans un moment de tension extrême, et que ce sont l'attitude des militaires, l'attitude des soldats qui vont provoquer ce sentiment de ben, « finalement, j'appartiens à quelle nation ?» On retrouve ça dans un certain nombre de journaux de jeunes gens, c'est-à-dire que la question est de savoir finalement, ben, on est français maintenant ou est-ce qu'on est allemand, qu'est-ce qu'on va devenir. Et on le ressent assez bien dans le journal, on est témoin de faits finalement, avec un problème de positionnement national. Ce qui est très intéressant dans le journal de Maurice, c'est que si on le compare à maintenant un grand nombre de journaux d'adolescents qui sont côté français, même ici de la petite Paruie à Sedan qui vit, elle, sous occupation, ou d'autres, on parle de nous, notre armée, notre marine, il y a un nous. Le nous, c'est la nation à laquelle on appartient. Et quand on regarde dans le journal de Maurice, qui pourtant est francophone, il n'y a pas de nous. Et ce qui est étonnant, il y a un eux. Le eux, c'est les Allemands. Sous-entendu, ils nous tirent dessus et pourtant la ville est encore à eux. Et il y a ce sentiment qui est très particulier, dont on peut penser qu'il va s'inscrire dans la longue durée. Bien sûr, on aimerait bien qu'il y ait un nous. Le eux existe et on est entre les deux. On est entre les deux parce que finalement, les troupes se méfient. Et elles se méfient très, très fortement, c'est-à-dire qu'elles mettent vraiment à l'épreuve les civils. Vous avez d'un côté une espèce de sentiment d'aller offensif qui sont déraisonnables, c'est-à-dire des Français qui s'avancent dans la plaine, des locaux qui ont bien vu que de toute façon ils allaient être attendus dans la plaine par tout un dispositif qui s'est mis en place, qu'ils ont observé, et ne comprennent pas pourquoi les Français arrivent avec de si maigres effectifs pour rentrer dans leur région. Et donc ils le formulent, cette incompréhension. Et puis vous avez dans les défiances des choses assez terribles à ce moment d'août 14. C'est d'un côté donc la méfiance des Français qui est légitime puisqu'ils rentrent en territoire allemand, mais aussi la méfiance des Allemands lors d'un retour offensif. Ils sont interpellés par une troupe bavaroise, donc qui n'est pas alsacienne, qui a une vision sans doute un petit peu théorique de la région. Et on sent la tension des officiers, puisque contrairement à ce que proposaient les Français ou imposaient les Français, qui était d'ouvrir les fenêtres et fermer les volets, les Allemands font faire très brutalement exactement l'inverse, c'est-à-dire ouvrir les volets et fermer les fenêtres. Et l'encadrement explique que c'est parce qu'on craint des francs-tireurs, ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, hein. Et donc on sent qu'il y a cette paranoïa du corps de commandement allemand autour de ces potentiels francs-tireurs, et on mentionne des exemples dans la ville voisine où les Allemands auraient été visés par des francs-tireurs. La date à laquelle ça se produit est très intéressante, c'est-à-dire qu'on sent un état de nervosité, de tension de la population militaire allemande à l'égard de ses propres ressortissants, et on est à 2-3 jours de deux exactions méprises. On va mélanger les deux termes tout proche de Mulhouse, puisque la commune qui touche Mulhouse, Bourdsfiller, a été pratiquement incendiée aux deux tiers, et 5 civils fusillés. Et un petit peu plus tard, je crois un jour plus tard, un autre village a été incendié pour moitié en représailles, toujours en raison des mêmes craintes. Et ces craintes circulent dans la population, et on sent à travers le journal de Maurice, et plus encore à travers d'autres journaux d'adolescents autour de Mulhouse, que ça crée un état de sidération. On est finalement l'objet de dérives de la part de sa propre armée, d'une certaine façon. Il n'y a pas que les Allemands qui sont en cause. Ceux qui connaissent l'Alsace savent que de nombreux ressortissants alsaciens sont arrêtés aussi. Donc ce qui arrive à la famille de Maurice, lors d'un retour offensif des Français, une méprise fait que la famille, toute la famille, donc les enfants, la bonne, les parents sont arrêtés et conduits devant toute la ville au poste. Ils vont mettre beaucoup de temps à pouvoir en sortir. Ils ne le feront que grâce à un officier supérieur qui a bien compris qu'il y avait méprise sous le sceau de un membre de la famille aurait téléphoné des renseignements à l'armée allemande en face. Et c'est quelque chose qui va s'imprimer, qui va le marquer sans doute jusqu'à la fin de ses jours. On est à la fois des ennemis pour les Allemands, mais on est potentiellement aussi, par méprise, un danger potentiel pour les Français. Donc les rapports avec les combattants, d'une certaine façon, commencent plutôt mal, hein. Donc être bombardé, c'est être placé dans un camp, pas avoir le choix, être une cible, ne pas comprendre. Et ce qu'on observe, c'est que autant dans les journaux français, très vite, pour les mêmes âges, on détermine un ennemi, voire on a du ressentiment, comme l'adolescente que j'ai mentionnée tout à l'heure à l'égard de, enfin, qui habite Sedan, voire une forme de haine que l'on reproduit. On ne trouve pas ça dans les mêmes journaux dans le Haut-Rhin, mais on va finir tout au long de la guerre par adhérer finalement avec ceux avec qui on cohabite, que sont les Français ou les Allemands. La petite Mulhousienne que j'ai citée tout à l'heure, lorsque son frère est incorporé dans l'armée allemande, elle parle des ennemis et on commence à y avoir un « nous ». Et puis pour Maurice, même chose, du moment qu'il est bombardé, il y aura un ennemi qui commence à employer le terme « Bosch » de temps en temps, qui n'est pas un terme qui lui est courant. Je vais zapper le problème de la... On ment pendant la guerre, ce n'est pas un scoop, hein, mais c'est très très mal vécu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on interroge les combattants. Et c'est à travers l'interrogation des combattants qu'on apprend la guerre. On les hèle, puisqu'on est francophone, on n'a pas trop de mal. On les hèle aussi quand ils sont combattants allemands, mais dont on sait qu'ils sont alsaciens, qu'ils soient déserteurs ou qu'ils soient alsaciens. Et on va à la quête de l'information et on va compléter cette information par rapport à ce qu'on peut entendre. Ça permet de couper court aux rumeurs, de savoir comment se positionner. On va voir sur place, on se rend dans les tranchées quand c'est encore possible. On se rend compte ici que les Français creusent dans les champs. On pose la question aux militaires qui disent « on fait des tranchées » et lorsque la presse revient, on comprend pourquoi. Donc c'est un mélange où le civil se fabrique pour rester en quelque sorte droit dans ses bottes face à ce qui vole en éclats autour de lui, se fabrique sa version de ce qui se passe. Et les combattants, parce qu'ils sont très bavards, jouent un rôle extrêmement important. Deuxième étape, on est dans quasiment une caserne. Je ne vais pas développer, on a évoqué ce que c'est le rapport des civils avec des casernements. La France arrête le front, l'Allemagne aussi, et donc les habitants vont vivre pendant 4 ans dans une vallée étroite en plein milieu des militaires, avec des combats tout autour. Ça crée des liens, ça crée des soucis de cohabitation. Et il y a une forme de hiérarchie. Il y a des régiments qu'on aime, et il y a des régiments qu'on n'aime pas, et des régiments qu'on n'aime pas parce qu'on les suspecte d'avoir pillé un certain nombre d'habitations, pillé la ville. Je peux pas vérifier, c'est invérifiable, hein, mais c'est le sentiment de la population. Les régiments aimés sont bien évidemment les chasseurs alpins, particulièrement le 27e bataillon, parce que c'est des montagnards, parce qu'ils ressemblent aux gens de la vallée, ou le fameux 152e régiment d'infanterie, parce que c'est des régiments bien tenus, propres, bien commandés, très disciplinés. Et c'est très important pour la population. Le 334e régiment d'infanterie, qui est un régiment de réservistes plus au sud de la France, qui est sans doute moins bien équipé, moins bien tenu, la population en a un petit peu peur. Vous avez le terme connu à l'époque, on les qualifie d'apaches. La cohabitation avec les combattants, c'est aussi la découverte des combattants d'ailleurs, les tirailleurs sénégalais, les noirs américains et le jazz, l'occupation américaine, le pouvoir d'achat des soldats américains. C'est une vie où finalement les militaires rythment toute la vie, les cérémonies, les messes du dimanche, l'obligation de pavoiser, c'est pas très spontané, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est une vie très animée, où les combats aériens sont partagés entre civils et militaires, et où on passe d'un apprentissage de la silhouette de l'avion pour pouvoir savoir dans quel camp il est, parce que les avions ne peuvent pas distinguer de haut qu'est-ce que c'est un civil ou un militaire, et qu'il va arriver à Maurice et à sa famille d'être pris pour cible. C'est aussi quelque chose qui est très, très intéressant, c'est les combattants sont bavards, quoi qu'on ait pensé sont leurs propres états-majors, c'est-à-dire que vous avez ici, dans le contexte des fameux combats du Hartmannswiederkopf, on s'aperçoit, vous n'avez que 3 citations, hein, c'est que finalement on sait tout, absolument tout, quand on est au bord du front, même quand on est un enfant. On peut se demander si les combattants ne sont pas dans une espèce d'action de résilience avec les civils qui parlent leur langue, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, il faut bien le préciser. On voit que le sort des corps que nous connaissons tous est déjà formulé, on voit que les combattants qui deviennent fous en grand nombre, c'est déjà formulé par un médecin qui plus est. On a une vision, quand on est au bord du front, des combattants qui racontent, et quand on est adolescent, on a besoin de connaître les éléments techniques, donc on sait comment on combat dans une tranchée, très concrètement. Hein. Et puis, ça donne un petit peu plus tard un sentiment très particulier, c'est que Maurice devient une sorte pacifiste très typique des années 20-30, c'est-à-dire la chose militaire, ça ne doit tout simplement plus exister, c'est complètement utopique. Il fait son service militaire, mais il le fait comme une purge. Il va se débrouiller tout au long de sa vie pour ne jamais être un vrai militaire au front, tout simplement parce qu'il a vu ce que c'est et il ne veut pas se retrouver dans cette situation où il sait qu'il, de toute façon, il n'y survivrait pas. Et puis, ce qui, je vais conclure là-dessus, c'est le travail de mémoire. Ces petits journaux, à mon avis, n'ont qu'un sens. Donc, lui, l'intérêt, c'est qu'il continue. C'est de comprendre le travail qui est fait par la suite. On le sait, mais là, on l'a écrit, dit par quelqu'un. C'est à la fois, on va visiter les champs de bataille sur le site, très vite, tout de suite après la guerre. C'est la première chose qu'on fait à l'armistice. On se rend dans les tranchées avant que la gendarmerie française n'arrive. Ensuite, dès que les tranchées sont libérées, on va visiter tous les lieux de combat pour pouvoir mettre des formes, des lieux, incarner ce qu'on a vécu de façon des fois un peu aveugle. On va se rendre sur les lieux où les cousins de Maurice sont morts au combat à Verdun, Saint-Mihiel ou ailleurs. Même chose, besoin d'incarner. Besoin d'incarner aussi par la lecture. On va plus tard, tout au long de sa vie, lire des ouvrages sur le sujet. On va conserver ses carnets et puis enfin, on va raconter. Et là, j'avoue que c'est... Donc, raconter, j'en ai été le bénéficiaire puisque ce journal, finalement, c'est celui de mon grand-père. Il me posait problème et finalement, le thème du colloque... Donc, je n'avais pas l'intention d'en faire quoi que ce soit hein, parce que c'est une source assez compliquée à utiliser avec un problème de distance. Mais le fait qu'il y ait un axe transversal me permettait de le lire autrement et de l'éclairer avec d'autres journaux, d'en faire quelque chose. Ce qui m'a vraiment frappé et m'interroge quant au témoignage, c'est-à-dire que le récit que l'on va faire à sa descendance, c'est le récit finalement qu'on peut retrouver dans les ouvrages du commandant Rousset à l'entrée de la guerre, c'est-à-dire que la forme du récit est une forme épique, onirique, et donc ce qu'il va raconter en tant que grand-père, c'est ce côté épique et onirique. Et vraisemblablement, la leçon de la guerre, et je vais conclure là-dessus, on la trouve non pas dans le récit, des faits de la guerre, parce qu'on ne parle pas des choses extrêmement perturbantes qui sont dans le journal, mais on va le caser dans une autre expérience de vie. On va situer la guerre de 14 dans le prolongement de ce qu'on a vécu comme combattant dans l'incurie du service où on a travaillé en 39-40. On va la placer dans un rapport à la chose militaire, mezzo voce, et on va le placer dans toute une attitude. Maurice Chibert était un... J'ai découvert que finalement, je pensais qu'il était français de cœur depuis longtemps et je découvre à l'analyse de son journal que ce n'est pas si simple. On a une identité un petit peu transitoire qui bouge, qui change. On est allemand parce qu'on ne peut pas faire autrement et qu'on habite en Allemagne d'une certaine façon. On a le cœur côté français, c'est évident et ça ne se discute pas. Et il y a des allers-retours. Ce n'est pas une fois pour toutes, ce n'est pas un donné. L'identité est quelque chose de compliqué. Donc, on est français, mais avec quelque part une petite méfiance, quelque part, compte tenu de ce qu'on a vécu. On s'est fait tirer dessus, on a été arrêté, on a vu comment fonctionne l'armée, on n'a pas cru au comité, au bulletin de l'armée. Et donc, vous avez ce sentiment assez complexe qui est que le récit, il prend les formes du récit, mais l'expérience de vie née du conflit se coule dans tout un tas de choses. Et je me dis, finalement, l'historien, son problème, c'est de repérer, de comprendre, de pouvoir écrire sur ce sentiment, où se localise-t-il, où s'est-il déplacé, puisqu'il n'est pas dans le récit. Merci beaucoup.